faire l'émission? Ben oui, c'est Errance Rinaldienne. Maintenant et sur le champ. Le champ de l'humour, le champ de l'improvisation, le champ de la liberté. Oh, ça, j'aime ça, la liberté. Madame Tremblay, aimez-vous ça, la liberté? Et comment? Aimez-vous ça, la liberté? Ben, pas trop. Oui! Ah, ben, il m'a dit que oui. Qui, ça? Ben, la voix de la volupté. Oh, la voix de la... Vous êtes ici? Oui! Hey, vous avez une... C'est normal, l'hésitation, madame la volupté? Oui! OK, vous êtes dans une consonance étrange venue d'ailleurs, hein? Vous avez jamais été estimé? Oui! OK, alors on vous estime vers des grands sentiments profonds. Monsieur le Président... Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Mais les sentiments profonds. Profond. Fond. Les petites marionnettes. Profond. Oui. Trois petits tours et puis s'en vont. Ils s'en vont où? Est-ce qu'ils s'en vont par là, madame? Oui! Ils s'en vont par là. C'est rassurant de savoir qu'ils partent pas par l'autre chemin. Ils s'en vont directement. Excusez-moi, c'est une bulle de Petit. Oh! Petit Bismol. La boisson liquidifiée. Comment? La boisson. Oui. Gazéifiée. Oui. Oh! Oui, gazéifié. Monsieur le Président, arrête de gazéifier. Mais j'aime pas trop les gaz au niveau verbal parce que les gens s'imaginent que... Ils s'imaginent quoi? Que ma digestion va pas très bien. Et puis que j'ai peut-être un cancer de la... De la quoi? De la corde vocale. Mais on sait jamais. Comment ça? Bon, on sait pas. Oh! Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, madame les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, c'est là que ça fonctionne. Le sentez-vous que ça fonctionne? Oh! Je le sens que ça fonctionne. Oh! Je sens que ça fonctionne. Je sens que ça résonne. Je sens que ça résonne dans ma réaction. L'action ne se résume pas à la voix qui fredonne ce chant d'autrefois. Autrefois, nous étions heureux. Autrefois, nous voulions la vie. Autrefois, je cherchais l'oubli. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le chemin. Le chemin qui nous ramène vers nous, vers la chanson qui résonne. Le chemin qui résonne vers nous, et qui est bon ce chemin. Le chemin qui résonne vers nous, et qui est bon ce chemin là. Ce soir, je ne veux plus trouver que des mots à ma volupté. Que ces mots soient chers ou très chers, je veux qu'ils nous reviennent sans cesse dans le cerveau de petites gens. Il y a des résonances qui décompensent. Monsieur le Président, j'étais parti, moi, là. C'était la première partition qui m'amenait très loin. Heureux d'être avec vous ce soir. Public en délire. Errance Rinaldienne. On nous entend, il y a des captations sonores, je vois que ça brindille du côté droit. On enregistre, mais c'est tant mieux. Qu'on enregistre, Colin! Faut que ça s'en souvienne. Bon, Yann! Monsieur le Président, monsieur les potes catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Amen! No. Mi, do, et do. Arrête de chanter! Le monde veut rien savoir de ton chant! T'as un chant mélodieux! T'as un chant de crapaud! T'as un chant de capoté! Oh, le capoté! T'es pas là, toi, là! T'es absent dans ta résonance! Tout le monde le sait, mais en bien court! Ils vont savoir que Beko n'est plus là! Bienvenue à la douce rénalité et à l'histoire filmée. Improvisé avec moi-même à errance rénaldienne. Pleure donc, ça va te faire économiser de l'urine! Oh mon Dieu! À quoi bon faire... Hey, monsieur! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une situation de Virginia Woolf? Oh, Virginia Woolf, oui, mais... L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagner. Oh! À quoi bon, qu'à l'horizon se cache les specs fugaces? À quoi bon faire la limace? À quoi bon ces spectres fugaces? Parce que nous qui, quoi qui, quand quoi nous? Puisque nous faisons la limace. Aujourd'hui, le vendredi 22 juillet 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, on veut pas la chaussée, nous. On veut juste la poser sur une feuille. Oh, la poser, ben oui. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative... Unissons-nous autour de la chanteuse! Anaïs Kael se veut une... Lui, j'ai vu hier soir. Exacerbé, il était pas trop, il était 2h15 du matin, puis je lui ai dit, hey! Exacerbe pas trop, tu m'inquiètes! Et puis? Ben, il m'inquiétait! Et puis? Ben, c'est ça que je me suis dit! Et puis? Et puis quoi? Et puis c'est ça! Attendez, je vais vérifier quelque chose avant, là. Exacerbé, OK. Comme maintenant, je vérifiais, j'ai rien qui fonctionnait. Où ça? Ben, dans la console de CKRL, OK. Alors, et pour nous envelopper dans... Anaïs se veut, bon, on le sait, pourtant, sous la pression de son entourage, elle entame de longues études de commerce qui la minent. Et dès lors, elle travaille sans relâche pour terminer ses études et amener sa singularité à travers toutes ses contradictions. De sa voix puissante, elle chante l'amour, les emmerdes, avec une ferveur attendrissante attachée par ses mots explicites, parfois franchement violents. Mais si ses chansons emportent celui qui les écoute, à la frontière du malaise, elle n'en suscite pas moins le sentiment poignant d'une vraie rencontre avec la vie. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste imagé entre vous et moi en ce 22 juillet. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme rénaldien et surtout place à l'envoûtement. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every breath you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. You. On va revenir à ton album. Qu'est-ce que tu voulais témoigner à toi? Pas juste à moi. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers tes textes? Est-ce que tu te considères comme une chanteuse engagée ou au contraire? Bah oui et non, ça veut tout et rien dire, engagée. En fait, pour moi, ça me dérange beaucoup l'idée de l'engagement. Enfin, engagement non, mais il y a beaucoup trop de chanteurs qui se disent engagés par parce que c'est un bon positionnement marketing. Ouais. Alors dans ce sens-là, non, je ne suis pas engagée, okay. Mais par contre, je suis fidèle à moi-même et à mes idées. Voilà. IE, c'est-à-dire. Hmm? IE, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Ouais, ben je dis IE pour c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le premier des engagements, c'est. Comment dire ça? C'est de se faire une promesse et de s'y tenir. Laquelle? Mais, qu'importe. Après. Mais la tienne sur cet album-là? Ben moi, c'était rester indépendante. Et c'était de prouver que c'était possible en étant indépendant. Et de refuser certains compromis. Lesquels? Je supporte pas l'idée qu'on me dise ce que je dois faire, par exemple. Voilà, ou ce que je ne dois pas faire. Tu veux pas avoir de patron? Ah non, ça c'est clair. Voilà, c'est je refuse viscéralement d'être soumise à quiconque que ce soit, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas être sensible aux conseils des autres. Mais voilà, après. Comme c'est toi qui chantes, tu veux être responsable de tout ce que tu fais. Oui, mais après, il ne faut pas que ça sombre non plus dans la bêtise. Voilà, mais. Quelle sorte de bêtise? Non, bah, c'est-à-dire qu'il faut être quand même ouvert aux expériences des autres. Mais pour moi, mon engagement dans ce projet-là, c'était celui-là. C'était de dire, c'est possible de faire les choses de manière indépendante, sans avoir à passer par des structures, ou des grosses ou des moins grosses, mais en tout cas, sans avoir à courber le dos, à faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Après... Mon premier album était beaucoup plus engagé tel qu'on peut l'entendre au sens général. Mmh. Voilà. Enfin, c'était beaucoup plus rentre-dedans, c'était beaucoup plus trash, beaucoup plus rock'n'roll. Le deuxième, c'est. Est-ce qu'il est disponible le premier? Ouais, mais je ne l'ai pas ramené. Non, c'est pas grave, mais il est disponible. Oui, tu peux l'écouter okay. sur. Okay. Alors, ah. il est plus rentre-dedans. Il est beaucoup plus rock'n'roll. Ouais. Okay. Beaucoup plus cru. Ok. Et celui-là, il est plus posé. C'est la femme qui a réfléchi sur des, oui, voilà, sur des événements. Ça, c'est un album beaucoup plus... comment dire? Ouais, plus mature. Moins révolté, moins en colère. Mais c'était aussi peut-être la fin de ta période adolescente. Donc. Complètement. C'est complètement ça. Non, puis après, c'est que... toute la période de maturation de cet album-là, c'est une période où j'ai essayé de transcender la colère, justement. Où j'ai essayé de faire de la colère quelque chose de positif. Mais pourquoi t'es en colère? J'étais en colère contre plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses que je pouvais pas accepter, que je pouvais que pas... Tu peux maintenant? C'est pas que je les accepte ou que je les accepte pas, c'est que j'essaye de tout tourner en positif. Toutes les choses que je trouve horribles ou négatives... il ne faut pas les accepter, mais par contre, l'énergie qu'on peut avoir à ne pas vouloir les accepter, il faut en faire quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est qui t'a amené à, comment dire, à voir ça autrement? Est-ce que c'est tes amis, tes proches, ton copain, tes parents? Ah, la vie? Non, c'est juste... Je crois qu'on... Alors, tu es arrivé tout seul à ce cheminement-là. Au lieu de prendre tout ça négativement, je vais voir ça d'un autre angle, l'angle du positivisme. Oui. Et tu en es arrivé à ce constat-là à force de cheminer. Oui. OK. Mais... Non, mais oui, parce que ce serait vraiment mentir que de dire que c'est... Il n'y a pas eu une rencontre particulière. C'est des tas d'événements dans la vie qui... Et puis c'est un tempérament. Je suis quelqu'un de très positif, en fait. Direct, hein, t'es une fille assez... Ah oui. Installez bien sagement derrière ces tireuses. On se serait tous battus pour la rendre heureuse. Suscitant à chaque geste nos désirs charnels. Nous on était là rêvant de se faire la mer. On aime quand tu nous mates comme ça. Tire bien à fond sur le levier. Que la bière puisse enfin couler. Accroche-toi à ton godet. Car ce soir, tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous. Pourtant on se mettrait tous à genoux. À genoux. À genoux. Bien vite l'herbe au fond de nos chaises. Quand la vie s'arrive, elle sait nous mettre à l'aise. S'obligeant à ne regarder que ses yeux. Elle était là rêvant d'être au milieu. Greta, on aime quand tu nous sers comme ça. Viens partager les plaisirs de l'ange. Laisse couler la bière dans ta gorge. Accroche-toi à ton donner, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous. Accroche-toi à ton donner, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous. À genoux. Accroche-toi à ton gonnet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pour toi on se mettrait tous. Accroche-toi à ton gonnet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pour toi on se mettrait tous. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, multiplie les petits câlins anonymes. Et les cartouches tout en douceur, millésime. Si tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine. Mais je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Et tu caresses ton personnel pour éviter que les bonnes causes. Laisse pas tomber comme ça l'épine, ça ferait trop de peine à la rose. Faut-il grand Manitou que le magicien d'ose. Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Les porteurs n'iront pas plus loin, pas plus loin. Le sait bien, lui le sait bien. Malédiction, malédiction, malédiction, malédiction, tous en scène. Nous ne quitterons pas cette île de rêve sans jeter un dernier regard. À colorier chez soi ou à consumer sur place. Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Les porteurs n'iront pas plus loin. Là, c'est maintenant le temps, c'est maintenant la vie qui nous scintille maintenant, c'est maintenant les vœux, les mains dans les cheveux, c'est maintenant le temps de se retrouver là, là, là. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Maintenant, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Voici mon petit Buck. Mon petit Buck, mon ami Buck. Oui, et là, tout à l'heure, la semaine dernière, pas tout à l'heure, mais pour moi, c'est tout à l'heure, parce que je viens de faire une errance rénaldienne là, en direct. Là, j'en fais une autre, puis là, j'en fais une autre après, puis une autre après, puis une autre après, puis une autre après. Là, est-ce que c'est la même phrase? On ne sait pas. Je devais, première phrase, je devais avoir environ 28 ans à l'époque. Oh mon Dieu! Hey, à l'époque, on était heureux, là! À l'époque, on cherchait pas le bonheur, on était là, le bonheur! Puis ils nous disaient souvent, couche-toi pas de bonheur. Ben non, je me couchais pas de bonheur, le bonheur. Parce que t'es là, puis je savais que t'allais pas durer. Oui, ben oui, t'allais pas durer le bonheur, parce que ça dure jamais, le bonheur. Si tu le prends pas là, tu le prendras jamais. Si t'es pas à l'heure, c'est fini. Alors, le bonheur, quand il est là, là, faut le capturer. Comment? Le capturer. Capturer. Ben, comme un crocodile. Oh, mon Dieu. Un crocodile féroce. Le bonheur est pas si féroce, mais les gens savent pas le prendre. Oh. Il faut pas le prendre par le négativisme. Il va s'en va vite, le bonheur. Le bonheur veut pas voir ça, le négativisme. Le bonheur cherche les gens heureux. Le bonheur cherche pas le problème. Le bonheur veut pas voir autre chose que des gens heureux. Et monsieur? Ben oui, comme la balade des gens heureux, là. Le bonheur aime ça, ces chansons-là. Joe Dassens, le bonheur aime ça. Les Stooges, le bonheur aime pas ça, les Stooges, parce que ça l'a... Ouais, mais on sait pas... Capturé! Ben oui! Hey, attends! Capturé! Ah... Ben comme un... Comme un crocodile! Oh, mon Dieu! Ouais, mais le crocodile... Hey, attends un peu, toi, le crocodile, pas n'importe quoi. Fais, cache ça, toi, là! Ben oui, c'est ça, étouffe-toi, mon champion, parce que le crocodile, quand il est heureux, le bonheur va le connaître. J'ai pas... Hey, regarde, on l'étouffe, là, attendez un petit peu, là, ça gigote au niveau de la... des deux mesticules. Aïe! Je l'ai placé en dessous du portefeuille. Arrête-moi ça, toi, là. Y a-tu des piles pour arrêter ça? Ah, y a-tu des piles pour... Arrête-moi ça, ces piles-là. OK, bon. Il arrêtait pas de gesticoter. C'est qui, ça? Il est pas heureux, là. C'est pas le bonheur. On veut pas l'avoir, ces gens-là. Là. La société veut pas avoir ça. Ce qu'on veut reconnaître, là, c'est les gens heureux. Ils ont des histoires. Les gens heureux ont toujours des histoires. Ben, allez, donc, tu parles du... Les gens heureux ont toujours des histoires. Ben oui, les gens heureux ont toujours des histoires. Gire et boire! Savais-tu ça, toi, à ton âge? Mais j'ai l'âge de mes connaissances. Ben c'est ça, t'as rien appris encore, tu dois tout connaître, t'es un insignifiant premier! T'iras pas loin, on aime ça comme ça, tu vas te faire exploiter pendant toute ta vie! Et monsieur, t'es-tu certain? Je suis très certain, moi, là. Les gens heureux ont toujours des histoires! Ben oui, des histoires, mais pas toujours! Regarde-moi ça, ce gars-là, là. Il est grand, il est fringant, puis il sait rien, puis il est heureux. C'est pas normal, ça, là. Le bonheur ne doit jamais arriver avec ces individus-là, mais malheureusement, ça correspond bien au stratagème sociétal de notre société contemporaine. Reste crétin et heureux. Cherche pas à savoir. Tu vas te faire remplir toute ta vie. Bravo, on t'aime, on t'embrasse. Plus t'es con, plus t'es manipulable. Donc, sociétalement parlant, t'es un être tout à fait intéressant. Ouais, mais ici... Non, il n'y a pas de si. Ouais, mais peut-être... Non, il n'y a pas de loin. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Alors? Non, il n'y a pas d'alors, c'est un insignifiant. OK. Y a-tu du grand monde dans l'insignifiance? Y a toujours du grand monde. Oh, mon Dieu! Est-ce que tu parles de la taille? La taille de l'esprit? L'esprit, soyez en nous. Oui, soyez en nous. Alors, maintenant, hein, comment? Soyez en nous, oui. Plus t'es en nous! Plus t'es en dehors de nous. Oh! Alors, tu connais les nounous? Les nounous. Les nounous. Allez, nounous! Elle s'en fout près de nous. Elle donne des boubous près de nous. Elle s'en fout de nous. Elle fait des bouts, bout en train, bout entier. Boulanger, la doudou. Elle s'en fout près de nous. Elle fait des bouts, la doudou. Elle s'en fout près de nous. Boum! Tu boucanes? Ah, moi, je boucane depuis ma naissance, moi, là. Il y a pas de... Ah oui, c'est ça, c'est la tombe 2. Alors, donc, c'était quoi l'affaire, là? À la place... Ah oui, c'est Bukowski. J'étais parti, moi, là. J'étais parti sur le Québec Air dans un western, là, ouais, maintenant. Puis, Tran American. Mais, je sais plus où suis rendu. Je devais avoir environ 28 ans à l'époque. À l'époque! À l'époque où les tocs étaient déjà silencieuses. Les tocs. Qu'est-ce que c'est des tocs? C'est des tocs. Des tocs d'espoir. Ben oui. On les empilait, les tocs d'espoir. Aujourd'hui, c'est des désespoirs. On les creuse. Oh! On les trouve sous les sarcophages. Oh! Je mets plus bas. Oui, j'espère. Je mets plus haut. Non, dommage. Plus ils sont bas! Moins ils sont hauts. Hey, t'es fort, toi, là. Attends un petit peu, là. Plus ils sont bas, moins ils sont hauts, hey. Wow! Repose-toi, mon petit champion. Tu viens de te causer. Bravo! Bravo! Un moment d'attendrissement sonore, là. Bravo! Wouhou! C'est merveilleux! On arrête! C'est la fin! La race indienne! Est-ce que tu peux arrêter d'applaudir? Ben oui, on m'a dit que je te paye pour applaudir, fait que j'applaudisse! Non, c'est pas j'applaudis. J'applaudisse! Non! On dit pas j'applaudisse, on dit j'applaudis! Ben, j'applaudisse, ouais. On m'a dit pas de réfléchir, on dit j'applaudis. Eh, hey, monsieur. Eh, hey, moi, je mets ce gars-là dehors, là. Au moins, il fait une connaissance générale de toutes les discussions qu'il peut avoir. J'applaudis. Voyons donc, c'est j'applaudis. Dis-lui qu'on applaudisse pause. Et que si on applaudisse pause, on dispose pas comme ça d'une langue. Les gens heureux ont toujours des histoires. Ben oui, mais lui, c'est un désespoir d'un grand stratagème qui me fait honte au Québec. Et dans la francophonie en général, voyons! Applaudissent! Les gens applaudissent, mais un homme n'applaudisse pas! L'homme se prédispose à ne pas applaudir. C'est le plus intelligent, là, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Pourquoi ce rire insignifiant? Ben oui, mais ça monte au public quand même. Il y a du ricanement. Voyons! Est-ce qu'on peut poser à... Oui, on va passer. On peut poser là-dessus. Et voici la musique qui s'immerge, qui ruisselle et qui nous amène une belle errance rénaldienne. We'll be right back. quand quelque chose me plaît pas... Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait, ou en tout cas, je valide pas, quoi. Je refuse d'être... comment dire ça? D'être complice de quelque chose que je ne valide pas. Donc, par exemple, on va jamais aller me faire... acheter un truc hyper cher si je considère que c'est une arnaque. Voilà. Okay, okay. C'est non. Surtout que tu fournis à une étiquette, exemple Adidas. Si tu achètes du Adidas. Non, parce que c'est ouais. Pour moi, c'est de la connerie. Okay. Alors, t'es une fille qui vient d'allumer sur ce fait-là. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir parce que tu es consciente de ce qui se passe. C'est ça, t'es une fille consciente. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je refuse d'alimenter, de donner de la puissance à quelque chose qui est déjà assez gros. Oui, et que je n'accepte pas. Et ça, c'est au fur et à mesure ou c'est à ton adolescence que tu as commencé à cette rébellion-là et cette prise de conscience? Ah non, ça a toujours été comme ça. Dès l'année, dès 5, 6, 7 ans? Disons que quand j'étais petite, j'ai pas été épargnée. J'ai pas toujours été très épargnée des réalités du monde, en fait. Comment ça? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui grandissent dans un cocon hyper protégé. Ouais. Toi, au contraire. Non. Ouais, non, j'ai pas été élevée dans un cocon hyper protégé. Okay. Donc très jeune, on m'a raconté toutes les horreurs de la Terre. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait aucun filtre, là, de ta mère ou ton père? C'est un ensemble de choses, en fait. C'est que déjà, il y a des familles qui sont plus ou moins protégées. Ouais. Voilà, moi c'était pas mon qui cas. Sont enveloppés dans une ouate. Oui, voilà. On ne peut pas trop les brusquer au départ. Qu'on mente ou qu'on mente pas, il y a des familles où il n'y a pas de mensonge, il y en a où on ment pour faire croire que. Et chez toi, on ment. Chez moi, on mentait pas, mais la réalité était assez crue aussi, en fait. Alors on te disait les faits comme ils étaient. Voilà, on me disait les faits tels qu'ils étaient. Donc, mais c'est bien, non? Oui, c'était bien. Mais en plus de ça, à l'école, j'avais des instits qui nous ont très jeunes sensibilisés aussi à des choses assez dures. Comment ça? Toi, tu étais en banlieue ou à Paris? Non, j'étais à Montpellier. À Montpellier, ok. Mmh. Les professeurs de Montpellier sont plus... Non, pas du tout, mais je trouve que les institutrices que j'ai eues quand j'étais enfant, c'était des institutrices qui étaient très... Engagées? Qui étaient très engagées et qui étaient très avant-gardistes. Et c'est positif, là, ce que tu me dis, là. Ah, c'était très positif, okay. Mais disons que du coup, très jeune aussi, très jeune, j'ai découvert des choses sur l'humanité qui n'étaient pas très belles. Comme quoi? Ouais, je sais pas, moi, l'extermination des Juifs, par exemple. Mmh. On doit l'apprendre un jour. Hein. Il faut l'apprendre un jour, mais c'est vrai que... À quel âge que tu as appris ça? Ouais, je sais pas, j'avais 7 ans, mais disons que tu es plongé là-dedans de manière crue. Ah, oui, okay. Et tu peux pas accepter ça. Ouais, sans filtre. Ouais, tu peux pas accepter ça quand t'es enfant et quand t'apprends des choses pareilles. Ouais. Puis voilà, puis après... Bah, c'est pour ça qu'il sait peut-être la mosquée. Oui. Ah, la mienne. Non, et puis bon, voilà... Mon père, il a fait la guerre. Quand il me raconte les horreurs de la guerre, voilà. Mais j'étais toute gamine quand on me racontait ça. Ben donc, ouais. Mais en même temps, c'est de réveiller l'enfant avant que... Tu sais, Bambi, c'est beau, là, mais... C'est... Oui, le non, côté mais Bambi, sûr. Je trouve c'est épouvantable en 2011. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais après, je pense qu'il y a des personnalités qui sont plus ou moins sensibles et poreuses. Moi j'ai pris ça plein dans la face quand j'étais gosse. Alors, pour ton enfant, tu vas filtrer un peu... Peut-être un peu, mais surtout pas être Bambi, ça c'est certain. Ok, ouais. Non. C'est ajuster tout ça. Oui, il faut expliquer à un enfant le monde tel qu'il est. Oui. Mais c'est en ça que mais les dans contes, son langage, dans son langage et dans son univers. Oui, mais les contes sont bien faits pour ça. Parce que les contes sont absolument abominables. Mais ils sont dans un langage qui est propice qui sont adaptés à l'enfance. Ah oui. Charlotte,

moyens, ceux qui ont les moyens, s'en vont l'été se faire plumer à Deauville. Quand on n'a pas le sou, on va n'importe où, où ça coûte pas des prix fous. Car à mon avis, c'est pas pour Bibi, les endroits où l'on fait des chichis. Moi, j'ai mon golf et mon bateau, ma plage et mon casino à la Varenne. Moi, je ne vais pas avec les gros à Dinard, à Saint-Malo, faire des fredaines. Moi, dans un barrage gigolo, payer 20 balles un sirop, ça me ferait de la peine. Moi, je préfère un petit caboulot ou qu'on boit du piccolo au bord de l'eau. On n'a pas de négro comme à Monaco, qui font du jazz à 1000 francs la séance, au son d'un phono ou d'un vieux piano, c'est 4 sous pour un tango. Et quand on peut pas se payer tout ça, y a des boîtes à l'euron, la Java. Moi, j'ai mon golf et mon bateau, ma plage et mon casino à la Varenne. Moi, j'y connais des dactylos qui sont plus chouettes en maillot, bien des mondaines. Moi, dans un barrage gigolo, payer 20 balles un sirop, ça me ferait de la peine. Moi, je préfère un petit caboulot pour qu'on boit du piccolo au bord de l'eau. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate, à l'abri des chiens, des loups, des millions de primates, complète cravate. Et pour cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept. Oh, OK. C'est pas ça que j'avais compris. Ben oui, mais j'étais épuisé avant le concept. Oh, okay. Les gens heureux ont toujours des histoires. Ben oui, mais quand ils sont fatigués avant le concept, qu'est-ce qui se passe, là? Ils cherchent pas la petite chanson, là. La chanson des gens heureux. On va pas la savoir. Je veux savoir ton histoire, la balade des gens heureux. On va pas la savoir. Tu en sauras pas non plus, c'est gratis. La connaissance générale, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je ferme le clos à double bourre. Ah non, à double amour. Oh mon Dieu, tu fermes à double amour. Ah, oh, moi, c'est double amour. Double amour. Oh, mon amour, je cherche à double amour notre horizon qui ne serait pas fugace. Toi qui es peut-être un peu agacé par ma volupté qui t'amène d'arrêt. Oui. Tu dégorgites! Oui. Cette semaine, et ce, stupidement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. C'est bon. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. On te sent rassuré. Je suis très rassuré. Très rassuré, hein? Très, très, très, très rassuré. Plus rassuré que ça, je suis un dérassuré. Oh, un déraciné dérassuré. Oui. Un déraciné dérassuré. J'aimerais bien ça que le trois quarts du peuple soit déraciné par le côté dérassuré de leur existence, là. On n'est jamais sûr de tout ce qui se passe. Moi, les gens qui maîtrisent, ça me dérange, moi. Ah, moi, je maîtrise tout, là. Je maîtrise la vie. Je maîtrise mon avenir. Je maîtrise mon mariage. Je maîtrise mes enfants. Je maîtrise ma bagnole. Y'a qui? Ma bagnole. Oh. Je maîtrise aussi mes copains, mes copines, mes frottants, mes frottines, mes collines, mes collines, mes collines, mes collines, mes collines, mes collines. Alors donc, c'est le mot, c'est le vinaigre. Oh mon Dieu, hey, le vinaigre, ça te monte au nez. Moi, ça me rentre dans le désespoir, moi, là. Et quand je sniffe ça, as-tu déjà senti, là, en direct, là, du vinaigre pur? Oh mon Dieu. Ça m'amène dans les noseaux une sensation de... Ah! Je veux pas aller plus loin là-dedans, moi, là. Je souffre. Je souffre. Celle-là, c'est pas le souffle, c'est je souffle, ça se pue le vinaigre! Ah, au contraire, là, mais écoute, moi, je suis dans le vin, dans le vin, dans le vin, dans le vin, dans, ben, je suis dans le vin, dans le vin. Dans le, voyons donc, dans la vignée de la vie, chez les cultures! OK, je végicule. Oh, tu végicules très biliaire, moi. Ah, je végicule biliairement, moi. Non, la vigilicule, comment, les sentiers de raisin, moi, je suis dans le vin, moi, je suis un vignoble, je suis un raisin sec, je suis dans le pur jute, je fais partie de tout ce monde, je connais tout ça, moi, là, la robe, le couplet, la chanteur, le dorama, puis, oh mon Dieu, vous avez épicé pour pisser, et puis, moi, je connais tout ça, moi, dans le vin. OK, alors vous êtes un véritable. Un véritable. Je suis pas un moins, je suis un véritable. Et c'est moi qui a contrôlé le vin de Gérard Depardieu. Oh, monsieur Gérard, c'est vrai, Gérard fait dans le vin. Il fait dans le vin. Il fait dans le 50 aussi, puis dans le 2000. Là. C'est pas son poids, 2000. C'est son intelligence et surtout sa connaissance à reconnaître le genre humain. Alors, Gérard connaît bien le genre humain. Il est pas dans le faux, il est dans le vrai. Puis quand on n'est pas dans le faux, on n'est pas dans le vrai. Puis quand on est dans le vrai, on n'est pas dans le faux. Mais voyons donc. Quand on est, oh, ouais, je te le dis. Ben, hey, quand t'es pas dans le faux, t'es pas dans le vrai. Ben non, mais je suis rarement dans le faux quand je suis dans le vrai. OK, t'es un vrai? Je suis un vrai faux. Un vrai faux? Un faux vrai. Un faux vrai. Je connais les fauvrettes, les oiseaux, les petits fauvrettes. Est-ce que tu connais les fauvrettes, avec un petit bec? Un chant de fauvrettes. T'as jamais entendu ça? Le matin, devant ta chambre. Ils se placent souvent devant... Parce que les fauvrettes sont très frivoles devant les petites chambres internes. Là. Les chambres sont pas externes. Non, moi, c'est interne. Oh, t'as une chambre interne. Ouais, pas externe, moi, là. Quand il pleut, là, dans l'externe, il pleut, puis oh, mon Dieu. Moi, j'aime pas ça trop quand on dit « Toute la pluie tombe sur moi. » Et moi, je fais comme je ne suis la styliste. Allez, laisse-les. Comment ça, laisse-les? Je comme laisse-les, je la sens. Je sais pas. J'ai dit, elle met un peu plus de colle vers le haut. Je m'en sais pas. Car toute la pluie tombe sur moi et moi, le trépas. Cherche la vie, mais si tu ne veux pas l'entendre pour la vie, tu es heureux, tu cherches ce qui te guide par-dessus tout. Mais moi, je ne m'en fous pas du vinaigré, le vinaigré, le vinaigré. Se purge dans mon nez, le vinaigré. Tu parles d'une flagrance, toi, là. Flagrance vinaigrée, moi, j'ai un parfum vinaigré. Oh, mon Dieu, il y a personne qui va te lécher, là. Quoique, les croustilles au vinaigre. Ah, c'est vrai que c'est bon, hein. Alors, veux-tu lécher? Lécher quoi? Lécher mon parfum. Lèche-le tranquille, ton parfum. Personne veut le sentir. Sentir le vinaigre, voyons donc, toi. Qu'est-ce que t'en as? Qu'est-ce que t'en as? Qu'est-ce que t'en as contre? Comment ça, qu'est-ce que t'en as? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On va pas la savoir! Ben oui, mais on va la savoir! Qu'est-ce qu'il veut savoir par là, là? On comprend pas. C'est quoi ton audition première, là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-moi ton intention profonde! Ah, mon Dieu, j'en ai pas d'intention profonde. T'es pas profond? Oh. Je suis sur le lac. Oh! Je flotte. Oh! Comme toutes les structures qui peuvent arriver à flotter. Oh, qui peuvent arriver. Et toi, tu y arrives? Oh, mais si je me concentre, sinon je cale. Tu cales. Je cale. Tu cales. Je cale. On cale. On se cale. On se cale. Ben, cale. OK. On cale. On cale. On cale. Ah, Alcatraz, daily rotten in Alcatraz, daily rotten in Alcatraz, daily rotten in Alcatraz. 7 a.m. morning wake bell. Outside were cold. voilà, donc l'idée c'est... il faut évidemment qu'il faut raconter aux enfants le monde tel qu'il est. Oui, mais il y a les mots pour le dire. Voilà, des fois il y a des trucs... Bon, et du coup, moi j'ai grandi là-dedans, et puis bah, ça s'est pas amélioré en grandissant, tu vois. Okay. C'est un peu ça. Alors toi, c'est la prise de conscience qui t'a amené cette rébellion, qui a amené aussi ce constat sur cet album-là, bah, du monde comme il est, sans filtre, sans... Bah, là, cet album-là, il est très soft, hein. Il parle beaucoup d'amour, mais pas d'amour nié, il parle beaucoup d'amour dans le sens... l'amour quotidien. Oui, et puis l'amour pas pour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme, pas ça, l'amour qui est un moteur de l'humanité. Universel. Voilà. Ouais. Mais justement, c'est parce que je pense que quelqu'un qui est capable d'une profonde colère, c'est que c'est quelqu'un qui est capable aussi d'un profond amour. Ouais. Parce que la colère, elle vient du refus. Et voilà, ça c'était le thème de fond de cet album-là. Okay. Qui est un album beaucoup moins. Beaucoup moins engagé au sens premier du terme, mais pour moi beaucoup plus engagé que le premier, en fait, parce que je prends des positions, j'assume dire des choses que avant j'aurais pas assumé, comme parler de l'amour par exemple. Okay. Et pourtant c'est bien plus important que de dire mon patron c'est était ce un connard. C'est le monde, l'amour. Bah c'est oui. mais en même temps sur ton sur scène ça risque d'être assez intéressant puisque le premier album est assez rentre dedans et celui-là est assez paisible, donc ça va faire un bel amalgame de tout ça. Bah après oui, mais disons que le nouveau spectacle, notamment le spectacle avec la caravane, la puissance que ce spectacle a, c'est que c'est en soi. Il est engagé. Okay. Parce qu'une fille qui parcourt la France entière, ouais, avec une caravane trafiquée, qui fait ses 40 dates, rien que ça déjà, c'est tellement puissant ce que ça représente pour le public. Donc ensuite, il suffit juste quelques 2-3 chansons un peu crues. Mm. Si tout le reste est un peu plus édulcoré, de toute façon, ce que les gens retiennent, c'est quand même la puissance de l'action, en fait, qui va au-delà des chansons. Oh oui, c'est de l'engagement en tant que tel de prendre un camion et de faire des spectacles un peu partout. Est-ce que tu as une formation en littérature, en création? Pas du tout. Autodidacte? Alors moi, j'ai un parcours pas du tout commun. Okay. Moi, j'ai fait une école de commerce. Ah. Tu vois? OK. Alors, tu sais gérer ton entreprise, ta petite entreprise, comme tu disais. Okay. Ça me sert beaucoup. Est-ce qu'elle connaît les crises, ta petite entreprise? Là, cette année, elle n'a pas été trop en crise. Okay. Cette année, elle était juste... Mais ça, c'est un bon engagement aussi. Ça, pour moi, ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'on prouve qu'on est capable de faire quelque chose qui fonctionne, qui est économiquement viable, en étant indépendant. Mais tu bouges, tu restes pas juste sur Paris? Ah ben non, là, on a fait, je te dis, 25 000 km sur 2 ans. C'est ça, alors c'est merveilleux, donc tu te reconnais un peu partout. Ah non, mais il faut surtout bouger de Paris. Oui. Surtout pas rester à Paris. Non. Ah non, non. Est-ce que ton copain est dans ce milieu-là ou s'il fait un autre... Non, il est dans l'architecture, tu vois. Ok, mais c'est artistique. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui a créé la caravane. Ah! Ok, alors il te l'a rendu confortable parce qu'il ne voulait pas que sa petite amie souffre. Non, il ne l'a pas trop rendu confortable, mais par contre, c'est lui qui a fait en sorte qu'elle roule, surtout. Parce que, il a mis des roues rondes. Ouais, il a surtout. Ouais. Ah, c'est merveilleux, non, mais écoute, c'est un début. J'ai peur du gars d'en haut qui parle avec les doigts et qui me dit un roi c'est celui qui a sous son doigt des enfants comme autant de petits pois. Ils sont là vu le vent, enfin ils sont la joie. J'ai peur du gars d'en bas qui mange avec ses doigts. Il m'apporte des dates et même si j'en voulais pas, il me dit c'est laïd et quand c'est laïd on se doit de donner ce connard. Ils me disent à droite, je sens que c'est pas du patois. J'ai peur ces gens qui rôtent, les voilà qui me tutoient. Puis y'a ceux qui me disent quand t'es chez moi, t'es chez toi. Ouais mais là, t'es chez moi, alors tu rentres chez toi. Le paranoïaque, il a l'air éteint. Le paranoïaque, il nous croit hautain. Le paranoïaque, il est énervant à force. J'ai peur de ma voisine et peur de mon voisin, de celui qui habite là-bas, un petit peu plus loin. Ils sont toujours en train de se dire oh on s'invite. Quand ils me disent viens, je les évite. J'endors plus la nuit, je fais plus que des siestes. Tous les lits, je les fuis comme la peste.

Parfois je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel. Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La faim me monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je ne suis pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes paupiettes. À mon croque, madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Alors donc, on passe une autre feuille. Comment ça, la troisième est partie. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Oh! Ça fait peur! Oui, tout fait peur, hein, ici, à cette émission-là. Ah oui, on sait pas où on s'en va. Oui, moi je sais. On s'en va vers 120 minutes d'improvisation et de structure indescriptible. Oh mon! Comment t'écris ça, indescriptible? Ben, c'est indescriptible, on peut pas l'écrire. Ben oui, adore! Qu'est-ce qui peut pas s'écrire? Ben, indescriptible. Essaye d'écrire indescriptible. Ben, indescriptible. C'est un dédé, il y a mon dédé. On va pas le savoir. Ben oui, on va le savoir, mon dédé. Voyons, un descriptif, un dédé. C'est comme l'Inde, là. C'est pas l'Inde, ça, c'est la Chine. L'Inde, c'est quoi? C'est l'Inde, là. C'est le blé. Le blé d'Inde. Ah oh, oui, c'est vrai, ça vient de l'Inde, le blé. Ben oui. Indescriptible. Hey, c'est bon, ça! On va te donner un 0 sur 10. Oh, merci! Tu l'as compris? On n'a rien compris. Alors, le moment s'invite. Indescriptible. Indescriptible. Le moment s'invite à nous pour un bravo. Bravo, Renald. Bravo. Merci. Bravo. Hein, merci. Bravo. Merci, couillon. Bravo. Merci. Le moment s'invite à nous pour une alors rénaldienne consonante de l'esprit qui nous amène. On comprend rien. Vous comprenez pas? Oui. Le moment s'invite à nous. OK. Pour un élan rénaldien. Un élan? Oui. Une consonance de l'esprit. Oh, mon Dieu. Ça consonne. Ah, les consonances. A-E-I-O-U, babe-bi-bo-bu, plap-le-pli-plo-plu, clac-le-cli-clo-clu, slash-le-sli-slo-slu, slash-le-sli-slo-slu. OK. Une consonance de... Arrête-moi ça, toi, là! Le micro sera plus fonctionnel après, c'est vrai, ça dégage, mon Dieu, Seigneur. Quoique Catherine Ringer a fait pire que ça. Qui? Catherine Ringer. Ah, c'est comme ça! En fait, un succès avant, là. Avant de faire... Ah, là, là, là, là! Moi, ça va, ça se couche! On faut que je m'ouvre! Elle était dans le sensuel. Oh! Non pas dans le consensuel, mais dans le sensuel. OK. Parce que dans le sensuel, faut pas être con. Faut loin d'être con. Faut être pervers, mais dans le sensuel. Oh! Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sensations créatives. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil arial narratif. Oh, t'as une voix. J'ai une voix plus que confortable. Oui, hey, on va t'embaucher dans une autre radio. Je veux rester à CKRL. Voyons donc! Je veux rester à CKRL. Oh, je te comprends. C'est la meilleure pour nous. Oh! Pour l'évolution. Oui! Pour l'ouverture d'esprit. Oui! Alors donc, que de relève sans bretelles, les culottes baissées? Que de relève? Oh mon dos! Sans bretelles? Ben voyons donc! Si tu veux te lever, mets tes bretelles ou ta ceinture, comme le Père Noël. Lâche tes bretelles, mon Père Noël. Tu vas te pendre. Et si le Père Noël se pend le 25 décembre 2011, on m'a dit que ça n'allait pas très bien pour lui. Comment ça? Il est dans une dépression. Oh! On va peut-être le réanimer. OK. Tu veux qu'on le réanime ce soir? Ben oui, en ce beau quoi? Ben en ce beau, hein? En ce beau quoi? Je sais pas quel jour on est. Ben là, je vais vérifier, on va me le dire. Vinaigré, rénal, improvisé, attends un petit peu. Nous sommes très malades. 2, 1, 0. Nous sommes le 22 juillet. Quelques jours avant le 25. 25 juillet. La fête des de Noël des campeurs. Oui. Mais là, je pense que le Père Noël ne sera pas en forme pour le 25 juillet, ni le 25 décembre. Oh! Alors, on va chanter une chanson du Père Noël. OK! Oh, attends. Mais là... Et monsieur, le Père Noël va se réveiller, là! Noël. Mais j'ai jamais entendu ça, moi. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon flèle. Noël, c'est l'amour. C'est un temps éternel. La voix de mon père, oh, la chance de ma mère. Noël, c'est l'amour. C'est un temps, le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les chanteurs avaient des chutes dans l'eau carnelle. On avait du plaisir en ce temps-là. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tu vas pas la chanter plutôt. Ah oui, je peux la chanter. Tout haut. Tout haut. Tout la voix. C'était un temps. On les chante avec la voix. Moi, je suis que président de la République. Oh. Mais je ne suis pas. Que de la relève, sans bretelles, les culottes me baissent, mais je suis à abaisse. Et voilà pourquoi toutes mes membranes s'affaissent. Et voilà que je fesse devant le succès qui n'arrive pas. Et voilà que je me dresse comme un chansonnier devant autant d'insuccès. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. Mm-hmm. So hush little baby, don't you cry. But until that morning, there is nothing can harm you. No, no, no, no. With Daddy and Mommy standing by. Non mais la caravane, on l'a achetée, c'était une caravane achetée telle quelle qui ensuite a été retrafiquée. Mais quand tu trafiques un véhicule, il y a des choses qu'il faut savoir pour pas qu'elle se pète la gueule au premier tournant. Quoi. Et lui le sait. Bah, c'est, en fait oui, parce que c'est de la logique, okay. Respect des équilibres. Architectural. Ouais. C'est l'architecture à quatre roues qui bouge. Ouais. J'ai découvert le contreventement, je ne savais pas ce que c'était. Le contreventement. Le contreventement. Alors, c'est le vent qui est à l'encontre. Voilà, et par exemple, quand tu trafiques un véhicule, il faut faire en sorte que le contreventement continue à fonctionner de la même manière, tu vois, ce genre de truc. Oh, mais ça paraît bien dans un entretien, le contreventement. c'est excellent. Tu devrais faire une chanson là-dessus. Ouais. Le contreventement. Le contreventement. Le contreventement, oui, c'est ça. Alors, donc, amener quelque chose de rigolo sur ce thème-là. Ouais. Et là, tu vas t'occuper de ton enfant, tu vas t'en aller après ça en tournée avec ta caravane à tout vent. Ah ouais. Pour encore quelques dates, ça c'est en 2012. Oui, puis comme c'est un spectacle qui tourne qu'en plein air, il y a le temps quand même. Mais tu fais rarement des salles. Si, mais j'ai fait beaucoup, j'ai fait 250 concerts en salle avant de partir avec la caravane. Mais t'aimes moins les salles. Si, j'adore les salles, mais c'est autre chose. C'est un. En fait, le truc, c'est surtout que j'aime moins le réseau musique actuel. Je préfère le réseau des arts de la rue. Ok. Parce que c'est plus dans le move, hein. Ça bouge. C'est qu'il y a un réel engagement, justement, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui. Lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui t'arrive? C'est annulé? C'est annulé ou on décale en plein air, on couvre la caravane. Mais en fait, sur toute ma tournée, il n'y a pas eu une seule date qui a été annulée en 2 ans. Oh. Somebody say that's the sound. is so hard. Give me water, I'm thirsty. My work is so hard. I just came to tell you that I'm leaving. All your tears won't change anything. As the poet says, an ill wind is blowing. So I just came to tell you that I'm going. You think of the good times and you cry, suffocating your face a pale. Now your hour is nigh, but it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you, but I'm going away. Yes, I loved you once, but hey, I just came to tell you that I'm leaving. And all your tears won't change anything. As the poet says, an ill wind is blowing. So I just came to tell you that I'm leaving. You think of the good times and you cry, suffocating your face so pale. Now your hour is mine, but it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you, but I'm going away. Yes, I loved you once, but hey. Good times, but you cry, suffocating your face so pale. Now the hour is nigh, but it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you, but I'm going away. Yes, I loved you once, but hey. Your place in the sun. Je téléphone, oui, ben oui, je téléphone. Ah ouais, arrête de téléphoner puis réponds. Ben non, c'est pas moi qui réponds, moi je téléphone. Oh, OK, alors c'est un autre qui répond, ben normalement. Toi, lorsque tu téléphones, est-ce que tu réponds? Ben, lorsqu'on me téléphone, oui. Ben, toi, quand tu téléphones, ben non, je me réponds pas, sauf que ça m'arrive souvent. Hein, écoute, je suis branché à, comment t'appelles ça, donc, fixe, là, un téléphone fixe, oui. Du téléphone fixe, je m'appelle à mon cellulite. Je me téléphone. Oh, à mon cellulite. À ma cellulite. Et puis, elle répond souvent, moi, là. Elle est dans ma jambe. Ça me donne des fruits. Oh, mon dieu. J'ai la cellulite. Oui, c'est le temps de. Oh, mon dieu. Peux-tu te fondre? Je me fonde. Oh, mon dieu. C'est comme des électromocs. Il se moque. Ah, il se moque de moi. Ça m'a fait mal dans le dedans de la jambe jusqu'à dans la tyrannie de l'entrejambe, moi, là. J'allais dire quelque chose, mais j'ai le qui fait mal. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui fait mal? Ben, la chose, là. OK. Le bout de la chose, là, oui. Le bout du mal. Oh, mon Dieu, ça te fait mal. Oh, ça me fait mal, moi, là. Le bout du mal me fait mal. Et puis, ben, je me dis que c'est la faute à Rénal. Oh, si le bout du mal te fait mal, ben, toujours. C'est toujours ça, hein. Quand les bouts de vous font mal, c'est dû à Rénal. Alors, j'appelle le téléphone. Est-ce qu'on peut l'appeler? Oui, on y va. Hey, je vous entends à peine, là. Bon, OK, c'est très bien. OK, moi, je vous entends. Alors, j'appelle le téléphone. Là, les gens entendent... c'est Jacqueline qui délibère, là. Elle est en train de discuter avec le monsieur. Il est pas tout à fait normal. C'est normal. C'est une émission anormale. Bon, il vient de se coucher. Vous l'avez endormi, madame? Oui. Alors, donc, j'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. L'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelques-uns ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons au monsieur. J'ai peur de vous le dire. Je suis pas là. J'ai une crainte très profonde. C'est le moment de silence avant l'anarchie. Combien de moments? Dix moments. Combien de moments? Eh bien, moi, je dis au moins une minute. OK. Une minute de silence avant l'anarchie. Allô? Ça fait pas une minute. Disons que ça fait une minute. Mais non, on peut pas. À la radio, une minute, c'est 2h30, là. Crois-tu que le public peut attendre? Là? Ils vont s'étoniser autre chose. Hein? On ne capte pas, on n'est pas capable. On essaye, on a le doigt agile, là. On est habitué. Ça fait 45 ans qu'on s'étonne CKRL 89.1 à Québec, puis on n'est pas capable, là, à soir, là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a des anomalies, on n'aime pas ça, on va l'enlever, cette émission-là. C'est quoi, là? On va appeler CKRL. C'est quoi le numéro de CKRL, là? On veut l'enlever là-dessus, là. C'est pas normal, là. On n'aime pas ça, là, de la normalité. On veut le confort de notre foyer, là, on est devant notre chien Fido, là, qui nous lèche depuis tantôt, là. Arrête de nous lécher, là, cette émission-là va terminer, là. Animateur. Je suis pas là. Oui. OK. Alors donc, on va appeler l'animateur qui est déjà pas là. Monsieur l'animateur, qui est-il? C'est Rénal Gagné. Oh, mon Dieu. Qui? Rénal Gagné. On va appeler Rénal Gagné. On comprend pas même pas ce que tu veux dire. Que? Divulgue-moi son nom. Rénal de Gagné. OK, Rénal Gagné. OK, on va appeler Rénal Gagné. Rénal Gagné, t'es là? Je suis pas là. Bon. Rénal Gagné. Tu es animateur à CKRL depuis combien de temps? Je suis pas là. OK. Alors, t'as fait errance rénaldienne depuis autant de temps qu'on t'a laissé la place, là, hein? Je suis pas là. OK. Mais là, t'es là, là? Je suis pas là. Bon. Si t'es pas là, t'es où, mon Rénal? Je suis pas là. OK. Alors, t'es dans l'absolution la plus totale. Je comprends ça. Il y a des psys là-dedans. Là. Je connais. Est-ce que je peux te laisser? Il y a un numéro de téléphone? 88? Appelle-moi 88. Êtes-vous là? Je suis pas là. OK. Alors, si t'es pas là, là, appelle-moi, OK? OK, le pas là, appelle-moi, OK? Si t'es pas là, appelle-moi. Est-ce que tu n'es pas là? Je suis pas là. OK, appelle-moi. Appelle-moi parce que j'ai des numéros de téléphone, puis ça va bien aller, je te le dis. Si ça va pas bien, là, on va t'arranger pour que ça... Que ça fonctionne bien, OK? On a des scientifiques, là. On a des lutteurs. On a Édouard Carpentier ici ce soir. Hey, ben, en haut de la troisième corde, moi, ce gars-là, il va être là, là. S'il est pas là, je suis pas là. Ouais, mais tu vas être là parce que je sens que. Je suis pas là. Ouais, ouais, tu vas être là, je te le dis. Si tu te sautes en bas de la quatrième rangée, ben, tu risques d'être plus là, effectivement. On va t'écrapoutir. On va t'amener comme la sardine de Sibérie. Tu connais la sardine de Sibérie? La sardine de Sibérie. Ben oui. La sardine de Sibérie, on la traite comme on l'amène, c'est-à-dire avec très peu de respect. On l'attire vers le bateau, on la crache par terre avec le filet, là, là. Cracher, c'est dans le sens de filet envoyé dans le fond de la boîte à bois, là. Je ne voulais pas dire cracher dans le sens de ma bouche, parce que ma bouche ne crache pas autant de mollusques. Je ne suis qu'un colporteur, puis l'autre m'a dit que ça allait pas très bien. Mais moi, j'aimerais ça qu'on passe une petite chanson, parce que sinon, on risque de ne pas se rendre jusqu'à la fin de l'errance rénaldienne. Wintertime winds blow cold this season, falling in love. I'm hoping to be winter so cold. Is that the reason keeping you warm? Your hands touching me. Come, let me dance, my dear. Winter so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying so desperately to be free. Come, let me dance, my dear. Winter so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Il y a eu un jour une date qu'on a dû annuler, mais c'était dans le cadre d'un festival où il y avait quatre dates. Donc c'était pas. Alors tu amènes le soleil? Voilà, c'est ça. Alors il faudrait que tu passes à Québec pendant les vacances, trois semaines de vacances. Avec la caravane, ça va être compliqué. Il faudrait la mettre sur un bateau. Mais juste à présent, dans le fond, si ça amène le soleil, on va être placé à boire du thé à la menthe, et voilà, c'est le soleil instantané. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui, c'est. À travers ce cheminement-là, combien d'années c'est passé entre celui-là et le premier? Le premier est sorti en 2007. Celui-là, il est sorti en 2011. Oh. Okay. Et mais le premier, en fait, alors ça fait 4 ans, c'est rapidement comme ça. Là. Ouais. Mes maths ont été réussis. Donc, oui, encore. Mais en fait, le premier album, c'est un peu une longue histoire parce que Ça devait pas être un album à l'origine, ça devait être une maquette. Pour promouvoir un CV. Voilà, mais bon, c'est un peu compliqué parce que si tu veux, entre 2005 et 2006, j'ai gagné énormément de tremplins, de concours, j'ai été très... Ah oui? Quelle sorte de concours? Meilleure chanson, meilleure... J'ai été pris Paris Jeunes Talents, j'ai eu le Grand Zébrock, voilà. Oui. J'avais été présélectionné pour... j'ai été présélectionné Bourges d'Île-de-France. J'avais été présélectionné Mon Cité Chanson, j'ai eu la médaille d'or de la chanson française en Suisse. Ah mais tu présentes ça sur ton CV? Ah bah bien sûr. Ah oui, non, j'ai... la chanson en Suisse, t'as été quoi, t'as été? En Suisse? Oui, La médaille d'or de la chanson française. Sur quelle chanson? Ah non, mais c'est un tremplin, c'est okay. Pas sur... Sur un projet d'album, là, tu présentais ton album et on t'a... Non, c'était un tremplin où je suis allée, j'ai joué et j'ai gagné le tremplin. Voilà. Sur combien d'artistes, plusieurs? Oh, je sais pas, oui, il y avait du monde. Allez, viens, on se bat en tout se faire ce soir. L'appel aux grognons, disons-leur au revoir. Roulons pas les sentiers prendre un tartare. L'assassin d'étoiles sous ses cieux noirs. La vie rien qu'à nous on va s'en foutre à cœur joie. Des rires, des tempêtes et des rois. Des pleins de petits bonheurs et des matins. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.